Chapitre 343. L'interdiction de passer devant un fidèle en prière. 1758. Selon Aboul Juhaym, Abdullah ibn al-Harith ibn Simma al-Ansari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si celui qui passe devant une personne en prière savait ce qu'il encourait, il préférerait attendre 40, plutôt que de passer devant elle. » Le narrateur du hadith ajouta « Je ne sais pas si le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit 40 jours, 40 mois ou 40 ans. » Al-Bukhari et Muslim.